Le mix de Ludo. Down, down, down. To the beat, walking down the street and maneuver free. Yeah, this is how I roll, and

La Golf à Lolita, le tube de cet été. C'est vrai, à peine passé sur les platines. Je vais dire, faut être sûr, et ça le comble. La Golf à Lolita. Cradle, and who would have thought that a boy like me could come to this.

Robin, désolé. On l'aura la prochaine fois, promis. Fireball Dance, à l'instant, c'était les Two Unlimited. On va retrouver les Two Unlimited avec nos limites. Allez, direction les années 90. Dream.

This is the beginning. This is the beginning of progressive attack. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Que je trouve la version originale. En plus, je sais que je l'ai. Progressive Attack, il y a l'ensemble Brooklyn Boons. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne vacance, que vous avez passé un bon été. Bien chaud, vous avez bien bronzé. Et que vous avez commencé cette année, enfin cette rentrée, en bonne forme. Le mix de Ludo. Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. branché à ton feu d'interdit ou bien noyé dans le whisky. Je suis pas tellement pour la morale, mais quand je vois ça, ça me fait mal. Je suis pas un grand rêveur, mais sûrement un grand rêveur. Moi c'est mes gars m'intéressent pas, c'est juste qu'ils sont pas comme à moi maintenant. J'espère que t'as compris ce que j'attends toute la nuit. Que tu danses comme Jackson, je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est que tu fasses le grand bon. Been Le mix de Ludo, vendredi samedi soir, 21h-23h. Thank you. Le mix de Ludo. Le mix. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le bon côté du samedi à 21h sur SanctiFM. SanctiFM. SanctiFM. SanctiFM. SanctiFM. SanctiFM. SanctiFM. Passez une bonne soirée à l'écoute de Serge FM. On se retrouve demain, 21h minuit, pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Born Sleepy. The rhythm.